gagner dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le chant pressentant la fin de ton air, semant un brin de colère, sous les bras et colère. T'as gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le grand changement, les points se serrent. Dualité permanente, j'attends au fond que l'aube s'approche. Un point levé, mais l'autre est au fond de ma poche. Et il faut que je sois fort pour vos privilèges, me sens pris au piège. Pour m'en détacher, il faut que je m'accroche. Dualité, dualité que je pourrais mourir pour une cause, mais jamais je vous tuerai tous pour elle. Réalité constante dans mes constats, je parle d'unité dans une démarche avant tout personnelle. Car le bien de chacun passe par le bien de tous. Chacun ses choix, donc on fait croire chacun chez soi et rien ne bouge. Antisocial, plongé dans un bain de foule. Par conséquent, les conséquences, c'est qu'on sait qu'on a besoin de vous. Doucement un brin de colère, sous les pavés tout a gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le chant pressentant la fin de ton air. Semant un brin de colère, sous les pavés tout a gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le grand changement, les points se resserrent. Sais-tu qu'elle ne sera plus demain ta société, oui tu l'ignorais, mais seul un peuple éduqué sera souverain. L'autorité qu'elle prétend, j'aurai mon rap et je pressens qu'elle répondra de l'obscurité qu'elle répand. Pendant que la culte chantera sa gloire, pour apprendre je dois oublier tout ce que je crois savoir. Ici bas chacun sa croix, chacun sa laisse, mais un seul roi. Mais qu'on ne voit que ce que l'on croit et pas l'inverse. Yor c'est pas l'envers du décor, mais la réalité. Penser n'est qu'un outil et pas une finalité. Donc quand j'écris s'agiter, Alice ce qui m'a quitté, c'était déguisé. L'esprit critique qui t'a quitté. Ici c'est pensée unique et rationnelle. Ma révolte c'est quand on sera unique, elle sera sereine. Au cas où t'auras le temps que t'auras, mais tant qu'à faire, vis le sens, ce vieux caillou que t'as dans le thorax. Doucement un brin de colère, sous les pavés tout a gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le chant pressentant la fin de ton air. Semant un brin de colère, sous les pavés tout a gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le grand changement, les points se resserrent. J'ai construit un discours pour détruire vos abus et j'élèverai mon esprit pour mener ton empire à sa chute. Sans empire là j'accuse d'obéir à la thune. Moi j'ai ma plume et sous stress on emprise à ma lutte. Je confonds pas le but avec le moyen. Tant qu'il y aura des classes, il y aura des clashs, il y aura des murs mitoyens. Citoyen redevient être, société redevient peuple. Ils en ont peur, son ampleur pourrait te faire naître. Hier c'est pas le but, pour eux que des calculs. T'as fait payer tes factures, c'est déjà bien de te le permettre. J'suis perplexe. C'est qu'ils mettent de ce vaisseau, le monde appartient-il à celui qui paye pour te lever tôt. Est-ce que t'aimes ce boulot, ces horaires de bureau, ces êtres libres qui choisissent eux-mêmes leur bourreau. Est-ce que t'aimes ce boulot, ces horaires de bureau, ces êtres libres qui choisissent eux-mêmes leur bourreau. Est-ce que t'aimes ce boulot, ces horaires de bureau, ces êtres libres qui choisissent eux-mêmes leur bourreau. Est-ce que t'aimes ce boulot, ces horaires de bureau, ces êtres libres qui choisissent eux-mêmes leur bourreau. Doucement un brin de colère, sous les pavés tout a gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le chant pressentant la fin de ton air. Semant un brin de colère, sous les bras tout a gagné dans ce sens où tout se change et rien ne se perd. Sous le vent nos minces paupières, sens-tu le grand changement, les points se resserrent. La gorge brûlante, j'irai mélanger les cendres de ma clope à celle de votre empire encore fumante. La gorge brûlante, j'irai mélanger les cendres de ma clope à celle de votre empire encore fumante. La gorge brûlante, j'irai mélanger les cendres de ma clope à celle de votre empire encore fumante. La gorge brûlante, j'irai mélanger les cendres de ma clope à celle de votre empire encore fumante.